Check. On tente pas l'autre joue, on contente les chiffres. Proche de la fin, on contente les chiffres. Pas besoin d'être muet pour en comprendre les signes. Déclare pas ta flamme dans la poutrière. Me parlez pas de soi, je vais faire graille grâce à la classe ouvrière. Ceux qui croient en l'égalité ne sont que simples esprits. On nous verra comme tel. Le jour on soigne la mort chez le médecin légiste. Putain de vie bizarre. Il pleut du liquide, mais les vitiens ne trouvent pas refuge dans les niches fiscales. Fucking rap game, c'est le carpé au rapport. Bâtard du fond de ma crise, putain nègre. J'passe le bonsoir derrière ma blue nègre. J'ai planqué la foudre, j'voulais parler d'amour. Mais dans nos rues y'a comme une odeur de poudre. Une corde, une poutre, un pendu sur la place publique. Spectaculaire et bloc où même la mort génère un public. Pétasse peu pudique au nom de la femme libre. Putain de théorie de merde gravée dans leur lit. Si on fait les choses, c'est qu'on a une cause. Toujours à défendre, tout le temps pour une pause. Si on fait les choses, qu'on a une cause. Toujours à défendre, peu de temps pour une pause. Ce que vous pensez tout bas, mort, silence, en touchement. Ce que vous pensez tout bas, silence, on pense parler à des animaux comme Docteur Dolittle. S'en sortir c'est possible. Sans sport et gros single, 10 piges, ça pense à l'argent ou si jeune. Résultat, on a plus de péchés que dans ses veines. On s'entretue à cause de frontières imposées. Les places Vendôme, ils exhibent nos diamants en guise de trophée. Nous voir ça les rend malades. Ils ont dû attraper cette rage avec la viande halal. J'ai un temps de guerre, parce que la paix se trouve 6 pieds sous terre. Au pilap trait, je me trimballe avec une pelle, j'enterre mes rêves. Vu les risques, je vise l'essentiel. La chance fait rare, y'a plus on rond au pied de l'arc-en-ciel. Ici les blessures saignent, quand les temps sont sales. Des temps sont de barge, on nous parle de plan social. C'est grave, comme si c'était si simple. On récolte ce que l'on sème. Plaide coupable, les victimes du système. Si on fait les choses, qu'on a une cause. Toujours à défendre, tout le temps pour une pause. Négro, si on fait les choses, qu'on a une cause. Toujours à défendre, tout le temps pour une pause. Ce que vous pensez tout bas, mort, silence, en touchement. Ce que vous pensez tout bas, mort, silence, en touchement. D'ici je les entends parler tout bas. Trop de méfiance et de coups bas. De propos vides de sens, mon innocence ne peut être coupable. Je me méfie des traîtres. Une personne qui manque de confiance en soi par définition pourrait être la pire des traîtres. Je suis venu rapper tout haut car mon phrasé est pur. Ceux qui parlent dans leur barbe ne sont juste beaux qu'à raser les murs. Averse de sincérité sur le sillon, j'arrive et crache mes vérités. Le rap s'abreuve. J'ai toujours visé le crâne quand ma plume crachait du plomb. Plutôt Sangoku que Gak quand mon flow devient blond. Je rappe le fond de Gandhi avec la forme de Cassius. Les dans le game, les bandits, c'est comme Bernard qu'ils sont musclés. Comme Wesley, je snipe tous ces suceurs de sang. Je suis le haut-parleur de ceux qui rêvent de milieu des. Je fais pas l'apologie des polos chics ni des gros logis. Mes étoiles sont en commode, pas sur le short d'Apollo. Si on crie les choses, qu'on a une cause. Toujours à défendre, peu de temps pour une pause. Négro, si on fait les choses, qu'on a une cause. Toujours à défendre, peu de temps pour une pause. Ce que vous pensez tout bas, mort, silence, en touchement. Ce que vous pensez tout bas, mort, silence, en touchement. Le visage de mon père, le mariage au village. Sache que je ne peux oublier l'odeur des poissons panés. Attends.